Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 53. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 19 novembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Péché Capital, tu es Pulsions Atrabilaires, tu es Joe Dalton, tu es Chiffon, tu es Coup de Boule et tu es aussi... Je voudrais dire très calmement, le roi... Je ne vous ai pas interrompu. Alors pourquoi vous m'interrompez? Taisez-vous, le roi. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es colère, tu vois rouge et tu es vert de rage. Comme chacun sait, les raisons de se mettre en colère ne manquent jamais. Ces derniers jours, par exemple, comment ne pas être vénère quand les All Blacks explosent l'équipe de France de rugby? Comment ne pas être furieux non plus quand Georges Fraîche, lui, nous balance qu'il y a trop de Blacks dans l'équipe de France de football, franchement? Ou encore, comment ne pas être furax quand le pape nous évoque le retour de la messe en latin? Alors, à l'heure où il est parfois nécessaire de se mettre en rogne, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, en 53 minutes, d'explorer les méandres de ce péché capital dont le démon attitré n'est autre que Satan lui-même. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de la colère. Pour commencer, de la punition divine à la révolte populaire, il faut retracer l'histoire de ce sombre sentiment qui mêle la violence et la haine. Ensuite, nous nous intéresserons aux différentes raisons qui te poussent à la colère. On enchaînera justement sur une petite surprise de Michel Serrault qui nous interprétera la fureur du voisin fâché par le bruit. Et puis, dans la foulée, nous te révélerons que depuis 15 jours, les relations humaines au royaume des cieux sont exécrables, oui, Dieu est colère. Et enfin, te raconter la soirée en famille qu'ont vécu cette semaine Monique et Jean-Claude, durant laquelle Jean-Claude a littéralement pété les plombs. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez! C'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et fous-toi en boule. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild, né pour être sauvage, c'est ce que chante en 1968 le groupe Steppenwolf. Né pour être sauvage, c'est aussi ce que chantaient la même année à travers le monde des millions d'étudiants qui, de Prague à Paris, en passant par Tokyo, étaient en 1968 vraiment très en colère. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer une émission à l'une des premières émotions ressenties par l'être humain, à savoir la colère. Pour l'Église, la colère, c'est un des sept péchés capitaux directement inspirés par Satan et très présent dans la Bible. Ainsi, dès la Genèse, Adam engueule son créateur et Caïn tue Abel. Il faut dire que parfois, Dieu lui-même, il pète les plombs. La colère de Dieu s'était abattue sur Israël. Pour éprouver la foi de son peuple en ses commandements, il le fit errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute la génération de ceux qui avaient péché à sa face se fût éteinte. Malgré les ans, la vigueur de Moïse n'était pas épuisée. Il marcha des plaines de Moab jusqu'à la montagne de Nebo. Et Dieu offrit à ses yeux toutes les terres qui s'étendent au-delà du Jourdain. Ainsi, parfois, Dieu est en rogne. Mais c'est aussi le cas des dieux grecs et Zeus en tête. Car chez les Grecs, se mettre en colère, c'est un droit largement répandu. D'ailleurs, Homère fait débuter l'Iliade par le courroux d'Achille lors du siège de Troie. Ce statut paradoxal de la colère entre le péché honni et l'émotion légitime domine l'ensemble de l'Antiquité, du Moyen-Âge et des temps modernes. La colère, qui est alors admise, c'est la colère positive, c'est-à-dire l'explosion rageuse qui aide l'homme à surmonter les obstacles. Cependant, dans l'histoire, se mettre en colère, c'est l'apanage des dominants. Ainsi, les petits, les sans-grades, se voient confisquer la colère par des puissants qui, eux, en profitent. Pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi ? Oui, monsieur, si j'étais assuré que cela ne vous fâche à point. Non, en aucune façon. Pardonnez-moi, monsieur, je sais fort bien que je vous mettrai en colère. Pas du tout, au contraire, c'est me faire plaisir. Je suis bien aise d'apprendre comme on parle de moi. Et monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirais franchement qu'on se moque partout de vous. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde, et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de fesse Mathieu. Ah, ah, vous êtes un sot. Vous n'avez-je pas deviné, hein? Hein? Vous n'avez pas voulu croire? Je l'ai bien dit, je vous fâcherai de vous dire la vérité. Exercer sa colère sur celui qu'on domine fut donc longtemps la règle. Le mari sur sa femme, les parents sur leur môme et le patron sur l'ouvrier. Mais il arrive parfois que les colères bridées des individus dominés s'additionnent face au monopole de la colère légitime. Et il ne faut pas attendre longtemps pour voir s'exprimer la colère populaire quand le mécontentement est trop grand. C'est souvent le cas à Paris, des émeutes médiévales à la Révolution française ou encore de la Commune à l'été 1944. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille. Alors, aujourd'hui, la colère est très encadrée et ses manifestations sont sévèrement contrôlées, car la colère est devenue, et plus que jamais, une émotion dont on se méfie, une déviance à la norme. La colère est maintenant exclue du discours public. Mais parfois, elle s'y invite, comme à Jérusalem en octobre 1996. France Inter. On savait que le voyage de Jacques Chirac en Israël serait un voyage difficile. On redoutait l'incident diplomatique et on avait raison. Voyons donc ce qui s'est passé. C'était ce matin dans la vieille ville, un quartier de Jérusalem essentiellement habité par des Palestiniens. Le président français, presque en touriste, dans un quartier sensible de Jérusalem. Surprise, quand il est arrivé sur place, il y avait des policiers israéliens partout, armés jusqu'aux dents, tendus, un peu agressifs, entourant le président Chirac au point qu'il ne pouvait plus respirer. Et les journalistes qui le suivaient non plus. Jacques Chirac a alors piqué une grosse colère. Voilà, you stop now. You stop now. Une colère bien rare dans le discours policé de nos sociétés bien lissées. Et oui, aujourd'hui, pour un personnage public, c'est très mal vu de se mettre en colère. C'est considéré comme un manque de maîtrise de soi. Regarde dans les médias, par exemple. Il faut sourire et être toujours calme, à l'image du si gentil Michel Drucker, ou encore de son aîné, l'irréprochable Léon Zitrone. Je vous dis merde ! Allô ? Ah, écoutez, taisez-vous un petit peu, vous nous avez déjà emmerdés pendant la première fois, et maintenant vous continuez. Foutre Dieu, madame, mais nous avons arrangé l'affaire de votre fille. Essayez de nous renvoyer l'ascenseur. Essayez de nous dire qu'elle avait des ennuis et que nous avons tout arrangé. Monsieur, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais monsieur, vous êtes grossi. Mais madame, vous êtes conne. Mais monsieur, vous êtes plus... Allez vous faire foutre. Eh ben bravo. Zitrone en colère traite ses auditrices de connes. C'est clair, ce n'est pas avec Alain Bédouet que ça arriverait, ça. Alors, la colère, qui fut pendant longtemps considérée comme simplement malséante, est aujourd'hui exclue des émotions acceptables. Pourtant, une bonne colère, quand on est vénère, ça fait le plus grand bien. Ainsi, la colère est une des premières émotions de l'homme qu'il a su plus ou moins contrôler. C'est donc une histoire ancienne et qui pourtant est... C'est une histoire ancienne et pourtant c'est dans ma tête. J'ai beau lui dire va-t'en, elle reste là. C'est un vieux souvenir, un craquement d'allumette. J'ai beau lui dire fous le camp, il bouge pas. Voilà, voilà, voilà, voilà. Si seulement dans ce qu'on est, on pouvait faire un choix. Seulement voilà, voilà, voilà, voilà. Elle peut pas. C'est comme une habitude, un peu comme une manie. J'aime la solitude jusqu'à la tyrannie. Viens pas me déloger de ma carapace quand j'hiberne. Ou d'avance, désolé pour mes coups dans tes lanternes. Voilà, voilà, voilà, voilà. Si seulement dans ce qu'on est, on pouvait faire un choix. Seulement voilà, voilà, voilà, voilà. Faut pas. Voilà, voilà, voilà, voilà. Si seulement dans ce qu'on est, on pouvait faire un choix. Seulement voilà, voilà, voilà, voilà. J'aurais pu te l'écraser, j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'aurais pu le déphraser avec mes yeux dans ses yeux. Arrière, arrière, arrière, arrière. Mais rien, j'ai pas bougé, il a eu ce qu'il voulait. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. Si seulement dans ce qu'on est, on pouvait faire un choix. Seulement voilà, voilà, voilà, voilà. Elle peut pas. Ça y est, c'est décidé, je vais tout décider. N'écoute que moi, qui ne veut que mon bien. Mais je parle si bas que finalement je n'entends rien. Voilà, c'est ce que chante calmement Jeanne Chéral sur son album intitulé « L'eau ». L'eau qui, comme la colère, quand ça chauffe, eh ben ça boue. Voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire de la colère, poursuivons maintenant notre furieuse aventure, toujours en direct du Mangin Palace, en nous intéressant quelques minutes aux raisons qui parfois te foutent en boule. Avant tout, il faut souligner que la colère est un sentiment subjectif. Autrement dit, ce qui énerve certains peut en réjouir d'autres. Quand, par exemple, BHL se prend une tarte à la crème sur la tronche, nous, on rit. Lui, pas du tout. il est fou furieux. Quand par ailleurs, la direction d'AXA envisage de délocaliser au Maroc, eh ben, c'est la fête chez les actionnaires, mais c'est la colère chez les employés. Alors certes, c'est un sentiment à géométrie variable, mais qu'est-ce qui provoque généralement une colère? Bien souvent, c'est la contrariété de nos convictions les plus intimes. Et là, il est difficile de condamner ce débordement émotionnel. Quand certains pères, par exemple, estiment qu'il est inenvisageable que leur fille rentre à la maison après minuit parce qu'ils savent que le grand méchant loup rôde, eh bien, dans certains cas, il arrive parfois que papa pète les plombs. Tu as vu l'heure? Mon enfant, je viens de passer la nuit la plus longue de ma vie. Alors fais attention, mais très attention à ce que tu vas répondre. C'est grave, très grave. Alors... Oh, papa, c'est terrible. T'as fait une bêtise? Oui. Ça y est, c'est arrivé. On a volé une voiture. Quoi? On a volé une voiture. Mais dis-moi que ce n'est pas vrai! Si, mais c'est pas de ma faute, hein. Comment ça, c'est pas de ta faute? Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas de ta faute? Non, c'est un copain, il voulait faire un tour avec. Oui. Et la voiture a roulé dans un fossé, on peut plus bouger. Et puis j'ai le propriétaire porte plainte, ma carrière est foutue, elle est foutue. Bon, va au lit, toi. Va au lit. Va au lit, on s'expliquera plus tard. Allez, oui! Ah, ça, quand l'autorité est bafouée, la colère n'est jamais très loin, surtout lorsqu'il s'agit de ses propres enfants qui, en général, ne comprennent pas que si papa se met en colère, c'est pour leur bien, merde. C'est par amour, bien sûr, que papa se fâche. Cela dit, il arrive aussi parfois que l'amour de papa pour maman conduise encore une fois papa vers de grosses colères où, là encore, il pète complètement les plombs. Tout feu tout flamme, à Nice, le mari coléreux s'en prenait aux voitures lorsqu'il se disputait avec son épouse. Vu le nombre de voitures incendiées, il devait se disputer souvent, François Lucaso. Quand je me dispute avec ma femme, ça me rend malade et j'ai l'impression d'être rejeté par la terre entière. Alors c'est plus fort que moi, il faut que je mette le feu à une voiture. Henri Dubosclar, chauffeur-livreur niçois de 33 ans, a fait cette déclaration aux policiers médusés de la brigade canine qui l'ont pincé en plein centre-ville hier, couché sous une Mercedes en train d'y mettre le feu. Eh oui, comme quoi, on a toujours tendance à exagérer, il n'y a pas que la colère sociale qui fait flamber les bagnoles, la preuve. Que dire d'ailleurs de cette longue histoire qui réunit la colère et la voiture? Je te le demande. À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Tiens, encore un rendez-vous de raté, hein. Enfin, c'est pas grave, il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme, du calme. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde les jets d'eau. Il y a du soleil, bip bip. Ouais, ouais, ça va, va. Ça aussi, c'est une certitude. Prête une bagnole à n'importe qui et tu vas voir, la furie va monter très vite. Insultes qui évoquent ta mère, propos homophobes, bras d'honneur, bref, toute la panoplie du petit coléreux. Et à ce propos, il est vrai que l'humiliation et l'offense que peuvent entraîner certaines insultes peuvent être la source, encore une fois, d'une grosse colère en retour. Souviens-toi. On va vous débarrasser de ces gens-là, vous inquiétez pas. Hein? Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein? Il faut nettoyer la cité des 4000. Actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. C'est très bien. C'est très bien. Ainsi, on a pu vérifier l'an passé en grandeur nature que la provocation peut tout à fait, elle aussi, faire naître l'orage. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il existe des colères moins expressives, celles qu'on qualifie d'intérieures. Mais parfois, elles peuvent apparaître à fleur de peau, surtout lorsqu'on est à bout de nerfs et qu'une goutte d'eau vient faire déborder le vase. Que penses-tu de l'importance de marquer le clivage gauche-droite pour gagner en 2007? Pourquoi tu as un doute? Vas-y, vas-y! Et le courage de tes opinions! Bah, par rapport à la carte scolaire, par exemple, ou aux 35 heures quand tu les remets en question, c'est pas important c'est de bien marquer qu'on porte le projet. Bah alors, le MGS qui m'a dit que j'avais pas voulu venir débattre. Je suis là, le MGS est là. Non, mais par rapport à Mais t'es pas obligé de demander l'autorisation au garçon qui est à côté de toi. Tu es une femme, tu peux parler en toute liberté. Ha ha ha.

nouveau bong, Je ne t'aime plus. C'est la nouvelle tuerie de ce furieux de Robbie Williams, reprise de Manu Chao, ancien leader de la Mano Negra, groupe de rock lui aussi bien énervé. Alors à présent, à 11h32, il est temps de te révéler cette histoire effroyable selon laquelle le royaume des cieux lui-même, jardin de la quiétude, serait envahi depuis peu par le redoutable sentiment de la colère. Oui, tout a commencé il y a 15 jours. Nous étions le 3 novembre dernier dans les appartements privés du Vatican. Le vicaire du Christ, Benoît XVI, l'ancien préfet pour la doctrine de la foi, était très en colère contre lui-même par son incapacité à reprendre en main cette église catholique qu'il juge depuis bien longtemps déjà beaucoup trop progressiste à son goût. Quand, tout à coup, avant de se coucher, Benoît a découvert dans la table de chevet de son prédécesseur un vieux missel de 1961. C'est alors qu'il a pensé à une réforme formidable. Et dès le lendemain matin, Benoît XVI a exposé cette merveilleuse idée aux cardinaux. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. C'est ainsi que Benoît XVI a donc décidé de réinstaurer la messe en latin dans l'espoir de réconcilier les catholiques intégristes avec l'autorité papale. Seulement voilà, très vite, la nouvelle est arrivée jusqu'au royaume des cieux. Saint-Pierre a donc immédiatement convoqué une assemblée plénière des anges et des saints pour leur faire part de son hostilité farouche face à cette mesure réactionnaire. Mais problème, car là-haut, tout le monde n'était pas du même avis. Du coup, Saint-Pierre lui-même s'est fâché très fort. Je dénonce la facilité et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté. La lâcheté. Asseyez-vous. Qu'il y a dans votre attitude. Asseyez-vous. Je le redis. Asseyez-vous. La lâcheté. Asseyez-vous. Même Dieu Tout-Puissant, président de la Sainte Assemblée, fut incapable de rétablir le calme. Depuis, une atmosphère de colère vivement entretenue par Saint Nicolas du Chardonnay s'est instaurée au paradis. À tel point qu'il y a 10 jours, un soir au dîner, Dieu lui-même, victime de cette ambiance colérique, s'est aperçu qu'avec la Vierge Marie, c'était plus comme avant. Tu t'es pas lavé aujourd'hui ou quoi? Pourquoi? T'as plus. Ah bon? Ouais. Ton poulet, non? Tu crois pas? Non, mon poulet est très bon, mon poulet. Désolé, c'est ton poulet. Je fais très bien la cuisine, moi, ah, toi. D'accord. Mais toi, tu pues. En rêve, tu l'as fait, hein? Bien. Facile. Tu pues la sueur. Je bosse, moi. Tu pues le vomi un peu aussi, je trouve. Non, mais j'ai eu 50 ans, ça fait 15 ans, je te suis pas. Ouais, ça y est, c'est bon, ça. Eh, hey, ta gueule, hein. Dis donc, regarde dans un miroir des fois. Attends, t'as de qui t'as vu que tu ressemblais à un gorille? Je n'ai remarqué que ma gueule. Et oh! Oh! Ouais. Tu parles autrement. Ok? Ah, tu me coupes l'appétit, moi j'en ai raqué de savoir dans ma gueule. J'en ai raqué, moi tu me coupes l'appétit. Y'a pas de risque. Et oh! Désormais, c'était donc une réalité. Profitant de cette brèche ouverte par Benoît XVI, les œuvres de Satan, dieu de la colère, avaient pris possession du royaume des cieux. D'ailleurs, mardi dernier, rien ne semblait s'arranger avec ce coup de téléphone de la Vierge Marie à Dieu Tout-Puissant. Ouais, le père tranquille, écoute. Alors, t'es où, toi? Et tu sais quelle heure il est? Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Et t'as besoin de partir chez ta copine pour réfléchir? Tu peux pas réfléchir à la maison? À quoi tu veux réfléchir? Ah ouais? Et qui c'est qui t'a foutu ces idées dans la tête, d'abord? Eh ben, prends-la. Mais, ouais. Ben, prends-la, ta semaine. Mais, ouais. Mais prends 15 jours. Eh ben, toute la vie, si tu veux. J'en ai rien à foutre. Et je te parle comme je te parle. Effondré, après que la Vierge Marie l'ait quitté, malmené par les attaques incessantes des saints intégristes, malgré le soutien de Saint-Pierre, Dieu lui-même a fini par sombrer vendredi soir dans ce qu'il y a de pire. Ce soir, je vais boire. Ce soir, je vais boire pour ne plus t'aimer. Ce soir, je dois boire La colère de Dieu fut terrible. C'est alors qu'hier matin, après une mission sans succès de 3 semaines au Darfour, Jésus de Nazareth est rentré chez lui. Immédiatement, il s'est rendu compte que le diable avait pris possession des lieux. Il a essayé de convaincre sa mère, réfugiée chez Marie-Madeleine, donc, de revenir à la maison, car, évidemment, Dieu n'est qu'amour. Ce à quoi la Vierge a répondu à Jésus que... Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère existe aussi, fais bien attention. Très vite, Jésus a saisi l'ampleur de la catastrophe. Ici, tout n'était plus que colère. Il fallait agir dans l'urgence. Il a donc décidé hier midi de réunir les apôtres pour trouver une solution. Cela dit, Jésus a alors découvert que certains d'entre eux avaient rejoint le camp des intégristes de Saint-Nicolas du Chardonnay, défiant ainsi l'autorité du Père éternel. Aussi, quand il les a chopés hier après-midi, Jésus lui-même s'est fâché tout rouge contre ses disciples. Je suis colère, les enfants, je suis colère. Je suis violence parce que je suis trahison. Pourtant, je ne serai pas toujours là, les enfants. Hein ? N'étais-je pas là quand tu t'embourbais dans ces situations difficiles avec des filles de mauvaise vie ? Ah ben voilà. N'étais-je pas là quand tu souffrais d'une crapuleuse infection du visage, que tu faisais fuir tes amis ? N'étais-je pas là pour te masser la face ? Ah voilà, voilà. Je suis violence ! Je vais être obligé de prendre une mesure. Je donne le tempo et tu commenceras la chanson. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Continuez pendant une demi-heure. Viens avec moi, soulier. Va dans la cabine et enlève ton pantalon. Je ne veux entendre qu'une voix. Ainsi, après avoir corrigé les apôtres félons, Jésus de Nazareth a pris une grave décision. De son point de vue, le seul moyen d'endiguer ce mouvement de colère des forces réactionnaires, c'était de se débarrasser de leur leader, autrement dit Saint-Nicolas du Chardonnay. Hier soir, Jésus, vert de rage, s'est donc rendu chez l'agitateur en question et il lui a simplement rappelé quelques points fondamentaux de la loi divine. Tu connais bien la Bible ? Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux et semés d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Non mais oh, ça suffit maintenant, s'est dit Jésus. C'est ainsi que depuis hier soir, tout est à nouveau luxe, calme et volupté au royaume des cieux. Saint-Pierre, lui, a convoqué Benoît XVI lundi matin, ça va chauffer, et la Vierge, elle, a rejoint son foyer conjugal pour le plus grand bonheur de Dieu qui, lui, n'est pas encore tout à fait remis. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Alors, même si la quiétude est revenue désormais dans les jardins célestes, il n'empêche que Dieu demeure encore traumatisé par cette folie coléreuse qui s'est emparée de son royaume. Pour de vrai, il est super vénère. Comment ont-ils pu lui faire ça ? Lui qui a travaillé des années, sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir les sommets, en oubliant souvent dans sa course contre le temps, ses amis, ses amours, ses emmerdes. J'ai travaillé des années, sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant, oubliant, souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant. c'est d'avant. Je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Oh, oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien sûr. Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier, fier, je suis fier, fier. Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations. Ah, mes relations. Sont vraiment sont haut placées. Très haut placées. Décorées. Très décorées. Influents. Très influents. Me donnant. Très me donnant. Des gens bien. Très, très bien. Ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout près de, j'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui. Mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais mes amis. Mais en merde. C'est ce qui fout en rogne Charles Aznavour en 1976 sur un album intitulé « Voilà que tu reviens ». C'est aussi ce qu'a dû se dire l'équipe de France de rugby lors du match retour hier soir contre les All Blacks au Stade de France. Alors maintenant, pour prolonger notre voyage dans la rage et la colère, il nous faut te raconter cette soirée animée qu'ont vécu Monique et Jean-Claude la semaine dernière. En effet, nos deux héros sont allés chez Yvonne et Alphonse, les parents de Monique, afin de fêter l'anniversaire d'Yvonne. Avant d'arriver, Monique avait fait la leçon à Jean-Claude, mais aussi à Elsa et à Rémi, les enfants de la famille. Primo, on se tient bien à table, on est poli. Et surtout, secondo, on ne parle ni politique, ni religion. Hein, Jean-Claude ? C'est compris, pas de blagues sur Ségolène, ni sur Mahomet. La soirée se tient en petit comité. Yvonne et Alphonse ont invité, en plus de Monique et Jean-Claude, Freddy, le frère de Monique. À l'apéritif, tout se passe pour le mieux. La conversation porte sur des sujets neutres, comme la météo, par exemple. Alphonse, le père de Monique, qui a écouté Nicolas Hulot sur France Inter, a été marqué par les propos de l'écologiste de l'extrême. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Jean-Claude se dit alors lui aussi très concerné par le réchauffement climatique. Et il annonce à l'Assemblée que lui, il sait comment stopper le réchauffement. Il suffit que chaque citoyen ait le geste civique de laisser son réfrigérateur ouvert, ne serait-ce que 10 minutes par jour, pour régler le problème. La réaction de Freddy, le frère de Monique, est immédiate. Putain, t'es fait marrer. T'es vachement marrant. Hein, comment ça, je suis marrant? C'est marrant, c'est drôle ton histoire. C'est marrant, tu me fais rigoler. Tu veux dire quoi, ma façon de parler? C'est quoi? Non, c'est... Tu sais, t'es marrant, c'est... Tu vois, c'est marrant. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, il faut que tu m'expliques, là. Hein. C'est vrai, peut-être que c'est moi, j'ai peut-être une case de vide, peut-être, je sais pas, peut-être marrant, mais marrant comme un clown, je t'amuse, c'est ça? Je te fais rigoler, hein. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment je suis marrant? Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-moi ce qui est marrant! Freddy, très surpris par la colère du Jean-Claude, explique que les réfrigérateurs consomment énormément d'énergie et que les laisser ouverts entraîneraient une augmentation de la consommation d'électricité et donc des déchets radioactifs. Freddy, lui, il voudrait que l'on ferme les centrales nucléaires. Jean-Claude lui répond que mettre fin aux centrales nucléaires, ce serait condamner des milliers de gens au chômage. Et il dit à Freddy l'écolo qu'en fait il est... anti-social, anti-social, anti-social, anti-social, anti-social, anti-social, anti-social, anti-social. Car Jean-Claude n'est pas antisocial et il relance la conversation sur sa théorie pour résoudre le problème du réchauffement de la planète. Il faut ouvrir les portes des réfrigérateurs. Ce à quoi Monique lui répond... tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à l'autre avec tous tes plans foireux. Tu m'embêtes, bête. Va prendre la tête à l'autre et moi lâche-moi un peu. Quand il entend la réponse de sa sœur Monique, Freddy se dit que décidément, dans la famille, on a tous les mêmes opinions. Alors, en signe d'une fraternelle approbation, Freddy donne une grande tape dans le dos de Monique. Jean-Claude réagit aussitôt. Dis donc machin là, j'ai rêvé ou t'as bousculé ma femme là? T'es bigleux, tu mets lunettes? Elle est trop petite, t'as pas fait gaffe, t'as marché dessus non? Comment? Excusez-moi madame. Mais réponds l'effronté. Monique se rend compte que le ton monte entre son frère et son Jean-Claude et elle demande à Jean-Claude de se calmer. Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Mais Jean-Claude répond à Monique qu'elle n'a pas à lui dire comment parler. Jean-Claude, il fait ce qu'il veut. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Alphonse, le père de Monique, qui est encore chez lui tout de même, s'adresse alors à son gendre. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien, c'est tout. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es vulgaire, irrémédiablement vulgaire. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Tu peux me regarder comme ça, ça change rien. Tu sens pas que j'en ai assez de toi, tu le sens pas ça, hein? Tu sens pas que ça fait trop longtemps que ça dure? Tu sens pas que j'ai envie d'une seule chose, c'est que tu te barres? Alors fais-moi plaisir, barre-toi! C'est alors qu'Yvonne, la mère de Monique et de Freddy, décide d'intervenir. Elle s'adresse donc à Jean-Claude. Tu n'as pas très bon caractère, après tout qu'est-ce que ça peut faire? Pour rien tu as des colères qui me crispent et qui m'exaspèrent. Mais tu as des petits à côté qui m'obligent à te pardonner. Eh oui, Yvonne, elle aime bien son gendre au fond. D'ailleurs, l'incident semble clos. Freddy se gave de cacahuètes en discutant avec Monique et Alphonse pendant que Jean-Claude boude dans son coin. Yvonne, elle, décide alors de se remettre de toutes ses émotions. Je boirais bien un petit verre de quelque chose, tiens. Doucement, chérie, sur la boisson. Doucement sur la boisson, comme si j'étais une ivrogne. Je trouve que tu as déjà pas mal bu. Mais c'est mon anniversaire. Je danse, je bois, je... C'est quand la dernière fois que j'ai bu? Je sais pas, je m'en souviens plus. Ah bah moi non plus, alors tu vois. Quel est le rapport? La question n'est pas là, je te parle de ce soir, moi. C'est son anniversaire. On va finir par le savoir que c'est son anniversaire, elle va pas danser à poil sur la table parce que c'est son anniversaire quand même. Jean-Claude imagine la scène, sa belle-mère en soutif sur la table, ça le fait bien marrer. Et puis, il n'est plus en colère. D'ailleurs, cette soirée, c'est assez incroyable. Plus les bouteilles se vident et moins les gens sont énervés. C'est curieux. Quand, soudain... Yvonne se rend compte que Rémi, son petit-fils, donc, est en train de graffiter les tapisseries du salon. On l'avait un peu oublié, Rémi, ce qui lui a foutu les boules. Je suis très très énervée et je vais tout casser. Et c'est comme ça, pas autrement. J'ai envie d'être méchant. Je suis très très énervée et je vais tout casser. Et pour de vrai, je fais pas semblant. J'ai envie d'être méchant. Eh oui, Rémi, il a suivi l'exemple de ses parents. C'est alors que tout le monde se retourne vers Jean-Claude. C'est lui, le père de cette furie. Et tous les membres de la famille lui demandent de se mettre en colère contre son fils.